cette chambre blanche. Il nous manque des fleurs. Parfois j'ai le cœur qui flanche. Il ne faut pas que je pleure. Mon enfant, mon amour, nous irons à la mer. Nous passerons quelques jours loin d'ici au grand air. Cette chambre blanche, il nous manque des fleurs. Parfois j'ai le cœur qui flanche. Il ne faut pas que je pleure. Tes cheveux sont tombés. C'est pas grave, mon amour. C'est pas grave, mon bébé. Ils repousseront un jour. Dans cette chambre blanche, il nous manque des fleurs. Parfois j'ai le cœur qui flanche. Il ne faut pas que je pleure. Mon enfant s'est relevé. Il s'est très bien battu. Y serait-il arrivé sans votre aide éperdue? Pour ces petites vies fragiles, tu apportes des fleurs et des actes utiles. Pour tous nos tout petits cœurs, des fleurs et des actes utiles, pour tous nos tout petits cœurs.